lieu de rentrer chez moi, j'ai contourné la remorque, poussé à travers le bois. Aurais-je eu tort? Car la piste se resserre, le chemin se fait étroit, et voilà que je me perds au fond des bois. Et puis la voix qui tout à coup s'efface. Plus de sentier, suis-je égaré? Devant mes pieds, je ne vois plus de traces. Une odeur de feu de bois vient me chercher par le nez. Je crois qu'elle est juste là. Un filet de fumée noire et amère. Une enseigne est accrochée près de la porte d'entrée. D'ici on l'entend grincer, elle est rouillée. Sous la mousse qui l'envahit, on peut déchiffrer ce drame. À l'auberge du nain qui attend son entrée. Pas un regard vers moi ne s'est tourné.